Cette semaine, au Undead Incorporated Show Réanimation, je poursuivrai avec de nouvelles parutions des dernières semaines. Il s'agit effectivement d'un débordement de la semaine dernière. Il semble vraiment que ce soit plus compliqué que prévu de se mettre à date. Surtout dans mon cas, puisque je sais même pas ce que c'est une date. En fait, il y a bien des choses que je ne sais pas. Comme, qu'est-ce que je fais ici? Et surtout, où suis-je? Mais comme j'y suis déjà, même si je ne sais pas où, on va faire avec. Et avec quoi? Je le sais pas et je m'en fous. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout suite à une consultation et diagnostic. Lorsque vous lui demanderez, docteur, le traitement que vous me prodiguerez pour ma guérison fera-t-il mal? Et qu'il vous répondra, je le sais-tu, moi? Et il n'est absolument pas question que je le teste sur moi. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause I, Ben Dragon, said so. Go, Dead Brent's Hall. De DBC et vous écoutez Réanimation sur CFO 89.1 FM. is all I believe in. Pay the price. Souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce mardi 13 septembre 2016. Dommage, c'est pas un vendredi. Ah, too bad. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. On vient d'entendre ce premier bloc en ouverture d'émission qui constituait à l'instant ceci, la formation Napalm Death et une pièce de 94, soit Armageddon X7, tirée du très bon album Fear, Emptiness, Despair, sous étiquette Erake Recording. Juste avant, nous avions Sacrifice et la pièce Desolation Live qui est tirée de leur dernière parution qui, tout de même, date de 2009, soit The One I Condemn, sur Marquee Records. J'aimerais tellement que Sacrifice refasse un nouvel album, mais tellement! Oblivion qui une autre formation canadienne et elle québécoise qui existe toujours, qui a une reformation depuis 2014. Pas de nouveaux projets, semble-t-il, au niveau des enregistrements, mais des participations à des spectacles, comme je peux le voir, j'imagine. La pièce d'Oblivion était Deus Ex Machina, qui est tirée de Cyber Void de 1995, un album emblématique de la discographie relativement courte, je dois dire, de d'Oblivion, mais fort intéressante. Nous avions ouvert avec Dead Brand Soul, DBC, et la pièce Genesis Explosion, pièce d'ouverture de la pièce de l'album Universe de 1989 sur Combat. Et entre Oblivion et Sacrifice, nous avons eu Tarman. Oui, ce mort-vivant, célèbre mort-vivant du non moins célèbre film The Return of the Living Dead et sa célèbre parole, cerveau. Et je vais vous demander, après avoir entendu DBC, Oblivion, Sacrifice et Napalm Death, quel serait d'entre vous l'intrus de ce premier bloc? Je suis certain que plusieurs d'entre vous seront portés à dire Napalm Death, puisqu'ils sont britanniques, alors que les autres sont tous canadiens. Erreur, c'est Tarman, les autres sont tous vivants encore. Quelle bonne blague! J'ai su que mon ami Horace, ce super beau petit singe, était allé faire un petit tour du côté du monde de Subversion dans la bulle increvable de DJ Tower of Death. Et je l'ai entendu la semaine dernière justement faire plus de bon nombre d'interventions et j'aimerais avoir son opinion à propos de cette collaboration qu'il a fait avec Tower. T'es-tu sérieux, toi, là? Mais encore, Horace! T'es toujours explicite, hein? Ben, je vais vous le traduire, ce qu'il a dit, sa chère Horace, ce super beau petit singe. Il a dit qu'il ne mettrait plus jamais les pieds là, parce que Tower est une personne qui l'aurait incité à boire du rhum. Quelle horreur! Bon, ceci étant dit, ce soir, comme je l'ai dit en présentation d'émission, je vais poursuivre avec quelques trucs qui m'auront intéressé ou pour le moins piqué la curiosité durant la période estivale où j'étais absent de l'émission, où l'émission était absente carrément d'ailleurs. Un va pas vraiment sans l'autre, ben, j'espère. Donc, on va poursuivre un peu plus tard avec cette suite, si on veut, de découvertes ou de nouveautés que j'ai apprécié ou non, selon le cas, au courant des derniers mois d'été. Mais avant, on va poursuivre avec un petit bloc un peu plus, je dirais, trash. Un bloc relativement, je dirais, assez international, dans lequel on va entendre une formation américaine, une autre allemande et une autre australienne. Débutons le tout de suite avec A Testament, A True American Hate. Vous êtes à réanimation des Undead Incorporated Show. C'est fou, 89.1 FM, jusqu'à 21h. Yeah, go! Colors of Europe and hate. True American hate. 19h48, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation The Undead Incorporated Show. Et ce, jusqu'à 21h. On vient d'entendre la formation australienne Destroyer 666 et leur plus récente parution, Whitefire. Whitefire qui se trouve à être tout simplement leur cinquième album. Eh oui, cinquième album en 22 ans d'existence. Pas dire que c'est un groupe qui est très très concentré sur la production. Mais quoi qu'il en soit, ce Whitefire qui est paru, ma foi, je vais aller vérifier là, c'est il y a pas si longtemps que ça là, c'est au mois de février, le 26 février dernier. Ben, ça fait un certain temps, j'en conviens. Ben, c'est toujours à ce jour mon album metal préféré de 2016. J'ai rien trouvé qui l'égalait ou qui m'emportait autant que ce Destroyer 666. N'est pas terminé, sait-on jamais. La pièce est en Live and Burn. C'est sous étiquette Season of Mist. Juste avant, nous avions les Allemands Destruction. Et la pièce Under Attack, c'est la pièce titre de cet album qui est paru le 13 mai dernier sur Nuclear Blast. Destruction, c'est un groupe qui, quand il est sorti à la mi-80, a quand même fait parler de lui pour, pas nécessairement tout le temps, parce que c'était un groupe extraordinaire, mais surtout par leur attitude de Schmeier et de Mike, surtout, et le batteur de l'époque, dont j'oublie le nom, littéralement, qui était toujours dans un état très secondaire, peut-être voire tertiaire. Mais j'avoue que cette époque-là, j'ai bien aimé Destruction avec Infernal Overkill, Bossy Invasion, le 12 pouces de Matt Butcher et compagnie. Pour me rendre compte qu'évidemment, peu de temps après, que certaines musiques étaient relativement mal faites, j'en conviens, mais qui a toujours, selon moi, un certain charme parce que c'était assez innovateur. Et aujourd'hui, plusieurs années plus tard, quelques 30 ans, oui, et plus peut-être. Non, vas-tu te fermer, tu vois, bon. Mais non, pas toi, Ras, voyons. Je les ai pas suivis pendant plusieurs albums pour me réintéresser à eux. Il y a peut-être deux ou trois albums pour trouver que, c'était correct, là. C'était rien qui fracassait les vitrines du trash. Mais en même temps, c'était correct. Et cet album, Under Attack, il est pas si mal. On a ouvert avec Testament. Testament qui aura un nouvel album pour nous, je ne sais plus quand, je devrais vérifier, là. Ça s'en vient incessamment. La pièce est en True American Hate, qui est tirée de Dark Roots of Earth, qui, si je ne m'abuse, est le dernier en cette date, qui est paru en 2012 sur Nuclear Blast. C'est un album fort correct. Je sais que DJ Tower of Death a présenté une advance la semaine dernière, si je ne m'abuse, ou l'autre semaine avant, je suis plus trop certain, d'une pièce du Nouveau Testament. Ça va l'air être assez bien. C'est à suivre, évidemment. J'aurai une chronique cinéma et série un peu plus tard dans l'émission, c'est-à-dire dans environ 30 secondes. On va l'attendre ensemble. Ah, puis c'est trop long. On va poursuivre de ce pas à l'instant même avec une des nouveautés qui est parue il y a pas si longtemps, que ce soit le 26 août dernier. La semaine dernière, le Rock Classic, le Rockmaster, on a fait passer une pièce. Il s'agit de la formation allemande Sodom et leur 15e album Decision Day, comme je le disais, qui est paru le 26 août dernier. Sous étiquette Stream Hammer. Je vous propose deux pièces qui sont respectivement je me rappelle plus. Non, c'est une plaque Rolling Thunder ainsi que Sacred Warpath. Puis on s'en reparle après de ces deux pièces de Sodom. Let's go. 20h04. C'est Animation, The Undead Incorporated Show. Encore pour pratiquement 56 minutes. Ouais! On vient d'entendre deux extraits de ce nouvel album de Sodom, une formation allemande qui existe depuis fort longtemps, et je dirais précisément depuis 1981, ce qui est pas rien. Leur 15e album studio complet, soit Decision Day, qui est paru le 26 août dernier. Bon, on a entendu les pièces Sacred Warpath, qui est respectivement la 10e pièce, ainsi que la pièce Rolling Thunder. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet album? C'est une autre histoire, honnêtement. C'est pas mauvais, là. Honnêtement, c'est un album de trash qui est très correct. Mais si je le compare, par exemple, à ses deux prédécesseurs qui sont Epitome of Torture de 2013 et In War and Pieces qui était paru en 2010, je le trouve un peu plus faible. Je trouve qu'il a une sonorité qui a beaucoup moins d'impact, ça sonne plus sec. Plus sec, moins ce que le trash devrait sonner, c'est-à-dire un peu plus plein, un peu plus gras. C'est peut-être une question de production, je le sais pas. Mais j'ai pas trouvé cet album-là extraordinairement bon. J'ai trouvé correct, mais sans plus. De là dire que j'en passerai plus à l'animation, c'est une autre histoire. Il y a des chances que oui, j'en repasse encore. Mais je dois avouer que ce sera possiblement pas mon premier choix au niveau de Sodom. Côté musique aussi, tant qu'à y être, je peux vous dire d'emblée que tout de suite, la semaine prochaine, je vais vous présenter deux albums qui sont Warfather, la dernière apparition de Grey Eminence. Warfather, c'est simple, c'est une formation, bien entendu, qui donne dans un death metal et qui est un peu international, USA, Brazil, Pays-Bas. Et qui met en vedette une des voix du death metal que j'aime énormément, soit Steve Tucker de Morbid Angel, ex-Morbid Angel et supposément encore de Morbid Angel. Quoique, c'est-tu Morbid Angel? Il est pas très évident à déterminer actuellement. Mais bon, il y aura cet album ainsi que une formation canadienne qui s'appelle The Apex. Et l'album, en fait, c'est un mini-album, un EP, qui porte le nom de Underbelly, qui vient de paraître. Honnêtement, si vous aimez Meshuggah, il y a des chances que vous vous y retrouviez un petit peu. Si c'est pas beaucoup. Ça laisse place à interprétation, ça. Ben anyway, c'est pas grave. Autre truc, j'aurai une petite incursion aussi dans le nouveau EP de Skeleton Witch, soit des Apathic Gloom, qui a été présenté plus récemment par mon ami Tower, bien sûr, de Subversion. Mais bon, j'en faisais pas encore d'émission à cette époque-là, j'étais pas revenu, je pouvais pas être aussi vite que lui, mais c'est pas grave, on va en faire une petite tour de d'une pièce au moins. Musicalement parlant, j'aurai aussi, c'est tout à l'heure, là, une formation qui vient du Danemark, une très bonne formation de death metal, soit Down of the Mise. Et pour le côté musical, c'est à peu près ça. On va aller faire un tour du côté de la chronique cinéma. Il y a des choses intéressantes quand même, je dois dire, qui sont parues, oui, assez récemment. Entre autres, un film qui est en salle actuellement, qui est un film de Farron Blackburn, qui met en vedette l'excellente actrice Naomi Watts, c'est Shut In, qui est un fantastique à connotation thriller et qui raconte l'histoire d'une pédopsychiatre qui vit seule avec son beau-fils dans un chalet isolé, la Nouvelle-Angleterre. Et à l'approche d'une violente tempête de neige, l'un de ses jeunes patients est porté disparu. Bon, bref, elle était sujette à certaines hallucinations. Donc, ça devrait être intéressant. Naomi Watts, généralement, je dois des films assez bons. Un film que j'ai vu depuis la semaine dernière, qui est le deuxième, c'est-à-dire une suite, c'est Now You See Me, qui met en vedette Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo et Woody Harrelson, entre autres, et qui est un film d'action, trailer si on veut, et qui est la suite des quatre cavaliers, ces prestidigitateurs magiciens qui on pourrait ainsi dire, qui perpétrait des vols de valeurs précieuses et de banques de façon très, très audacieuse. C'est un film, je dirais, qui est très... C'est très, très visuel. C'est pas un grand film, mais c'est assez distrayant, je dois le dire. C'est très bien fait. Puis, bon, l'effet de surprise du premier, qui était relativement original, je dois le dire, est un peu passé avec le deuxième, bien entendu. Mais quand même, on arrive avec une finale qui est relativement intéressante. Et l'ajout de... comment s'appelle déjà Daniel Radcliffe, ce fameux Harry Potter, dans le rôle d'un méchant, ben ça amène une dimension intéressante parce qu'il est très bon dans le rôle du méchant, ben, de ce méchant. Il est un des méchants, probablement le méchant principal. Donc, You See Me Too, c'est un film intéressant et divertissant à voir. Autre film que j'ai vu pas plus tard qu'avant-hier, c'est un drame à condamnation biographique, c'est le Free State of Jones avec Matthew McConaughey, qui raconte une, je dirais, une séquence de lors de la guerre de sécession, qui est l'histoire, une partie de l'histoire de Newton Knight, qui est un fermier enrôlé dans l'armée sudiste brancardier et qui finalement se révolte carrément contre sa propre armée parce qu'il trouve que on ambitionne énormément sur justement le peuple sudiste et sur les esclaves. Il forme sa propre état qui s'appelle l'état de Jones. Il l'appelle Free State of Jones. Et avec l'aide de déserteurs, tout comme lui, de l'armée, d'esclaves noirs en fuite, il montre une espèce de milice pour s'opposer à cette tyrannie qui est de certains officiers sudistes qui vraiment abusent beaucoup de la situation. Donc, j'ai trouvé le film très intéressant. C'est pas un film, il y a des scènes d'action, mais c'est un film plutôt à connotation, je dirais, psychologique, un drame. Mais c'est vraiment excellent. Free State of Jones. Un film que j'ai trouvé long, je dois le dire long, et j'ai été quelque peu déçu, quoique j'ai toujours été un fan de ce genre de film, de super-héros, soit Captain America Civil War, qui était un film bien sûr de Marvel, Disney maintenant, et j'y parlerai de Disney un peu après, qui met en vedette Chris Evans, Robert Downey Jr., l'excellent Robert Downey Jr., Scarlett Johansson entre autres, qui est un film d'Anthony et Joe Russo. Ben, Captain America, c'est un personnage des super-héros que j'ai toujours bien apprécié. Iron Man aussi. Je parle de Black Widow un peu moins. Je parle de Hawkeye un peu moins. Mais on introduit des personnages comme, entre autres, Ant-Man. On introduit aussi Spider-Man, qui sont des séquences assez intéressantes et assez drôles, je dois dire. Mais l'entier du film, Civil War, je l'ai trouvé très long. Et on aurait pu facilement raccourcir le film d'une bonne demi-heure pour le rendre un petit peu moins décrochant par moment. Je sais que les avis sont partagés. J'ai parlé avec Sinistros le week-end dernier, puis il me disait que lui, il avait beaucoup aimé, mais que lui aussi était d'accord pour dire que c'était un petit peu long. Et c'est ce que je reproche présentement, généralement, aux films de super-héros qui sont dits plus sérieux, entre guillemets. Je fais abstraction, comme je le disais, de Ant-Man ou encore de Deadpool, qui auraient pu durer 4 heures. C'était tellement bon que, avec l'aspect humoristique de la chose, vient d'amener une dimension tout à fait différente. Mais Captain America Civil War, c'est un peu long. Tout comme j'ai trouvé la même chose pour X-Men Apocalypse. Et un peu ma déception, je dirais, parce que c'est de l'été, je le sais pas, mais j'attendais ce film quand même, parce que le premier, je l'avais trouvé, je le trouve toujours vraiment excellent, c'est The Conjuring, mais je vous parle de la partie 2 des Enfield Poltergeist, qui est un film, bien entendu, d'horreur, de hantise et de possession, et c'est toujours un film du réalisateur James Wan. Ça me rassurait, c'est pas quelqu'un qui a repris un titre pour en faire une franchise et faire n'importe quoi avec, comme ça arrive trop souvent. Non! C'est toujours les mêmes acteurs principaux qui sont Vera Farmiga, qui est aussi l'excellente Madame Bates dans les séries Bates Motel, et Patrick Wilson, qui joue le rôle de Ed et de Lauren Warren. Et semble-t-il que les films, comme le premier, sont tirés de faits vécus de la part des Warren, et ce serait l'un des pires cas qu'ils auraient vécu, soit le Enfield Poltergeist. Ils doivent traverser l'océan pour se rendre en Angleterre pour aider une pauvre famille, une femme monoparentale qui élève seule et péniblement ses enfants et dont la petite fille est possédée par ils ne savent pas quoi exactement. Le premier, comme je l'ai dit, était vraiment extraordinaire. C'est encore un film d'horreur qui surpasse bien d'autres productions depuis bien des années. Celui-là, il est un petit peu décevant. Je l'ai même écouté deux fois. La deuxième fois, légèrement meilleur. Mais il y a tellement de séquences qui sont, à la rigueur, trop SOS fantômes. Ou, j'exagère, là, mais qui deviennent un petit peu trop... animation qui discrédite la crédibilité, qui enlève la crédibilité de ce qu'on suppose être un cas réel, que ça m'a fait décrocher un peu. Mais c'est pas un vilain film, mais c'est pas le film auquel je m'attendais. Voilà, c'est tout pour la chronique cinéma. La semaine prochaine, je vais vous entretenir du film d'horreur qui semble être un puissant navet, qui s'appelle The Hollow, et ainsi de l'excellente deuxième saison que j'ai débutée hier de Narcos, qui s'avère être excellente jusqu'à présent. Voilà. Enfin. Bon, OK. Côté nouveauté encore. C'est un one-man band. Ce qu'il faut savoir avec Destroying the Void, c'est que c'est Greg Peters qui est le guitariste et chanteur derrière Deeds of Flesh. Donc, c'est un Américain. Et ce one-man band l'est aussi. Ah, ben, regardons ça. C'est le premier album complet studio de cet artiste Greg Peters sous le nom de Destroying the Void, qui porte le nom de Paramnesia, qui est paru le 19 août dernier sur Unique Leader. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est du technical, pas peut-être pas brutal, mais progressive death metal. Ouais, c'est pas mal ça. Il y a beaucoup de notes, il y a beaucoup trop de notes par moment à mon goût, mais l'ensemble du produit est quand même assez intéressant. Je vous propose deux pièces relativement longues, autour de 6 minutes chacune, qui sont assez représentatives de cette parution Paramnesia. Donc, à l'instant, on va entendre Chasm of Existence et ce sera poursuivi par Carnival Nocturo, qui, d'après moi, est la meilleure de l'album. Vous êtes à l'animation. Go! consider the fate of this creature's poor mother. Struck down in the fourth month of her maternal condition by an elephant, a wild elephant. Vegas Billingham. Vous venez d'entendre la formation. Oui, c'est une formation, puisque c'est une personne, un one-man band, The Strangled Void, qui est derrière cette formation, ben, ce ce projet. Disons-le, c'est Craig Peters, comme je le disais, guitariste et chanteur Deeds of Flesh. C'est sa première apparition studio complète qui porte le nom de Paramnesia. C'est paru le 19 août dernier sur Unique Leader. On vient d'entendre Carnival Nocturno et juste avant Chasm of Existence, deux pièces tirées de cet album qui comporte 7 pièces pour quand même 46 minutes, presque 30 secondes. C'est quand même intéressant comme contenu. Très belle pochette, très belle présentation graphique aussi. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des fois un petit peu trop de notes à mon goût parce que bon, il y a l'aspect performance du truc qui, moi, me plaît plus ou moins, là, généralement parlant. Mais bon, je trouve que ça fait très bien le travail. C'est très intéressant à découvrir ce Destroying the Void. Cette semaine, à Rock Classique dès 11h ce vendredi, donc le 16, si je ne m'abuse. Oui, c'est effectivement cela. J'avais dit que je connaissais. En ouverture d'émission, j'avais dit que je ne savais pas c'était quoi une date. Mais je parlais pas nécessairement des dates qui ont rapport avec le temps. Je parlais peut-être plus du fruit. Bon, donc le 16, édition de Rock Classic en compagnie du Rockmaster René Lefebvre. J'ai dit pourquoi en compagnie de lui, et parce que moi, je ne serai pas là, donc je ne me nomme pas cette semaine. Non, il fera le cavalier seul cette semaine avec le traditionnel 3 pour 1. C'est-à-dire que tout au long de l'émission, Alain vous diffusera 3 pièces du même artiste ou même groupe. Et il aura probablement certaines nouveautés à vous proposer. Et probablement qu'il en profitera aussi pour peut-être faire même un 3 pour 1 des Epica, vu que je serai pas là. Non, peut-être qu'il attendrait la semaine d'après. Ben, ça sera pas un 3 pour 1. Ou prochain 3 pour 1 pour que je trouve ça encore plus abrutissant. Allez savoir. Donc, c'est à partir de 11h ce vendredi, ici même, à C'est Fou 89.1 FM, Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock. On va entendre une autre nouveauté qui est parue le 26 août, en fait, la même date que sortait le nouvel album de Sodom. Cette fois-ci, une formation du Danemark qui porte le nom de Down of the Mise. Down of the Mise, c'est une formation qui donne effectivement dans du death metal. On parle de leur quatrième album, The Suffering. Pardon. Et ça m'a bien plu. Je dois dire que j'ai trouvé ça assez intéressant. Bon, rien d'extraordinaire, rien de vraiment, comment je pourrais dire, de mirobolant. Mais ça fait très bien le travail. Et côté death metal, je dois dire que c'est de qualité. Je vous propose deux pièces de cet album de Suffering, soit Destined to Suffer, hein, et Those Who Deserve My Wrath. Down of the Mise. Go! Formation danoise de Silkborg, soit Down of Demise, et leur plus récente parution, soit le quatrième album de Suffering, qui est paru le 26 août dernier sur Unique Leader. Ben, j'ai trouvé ça intéressant. Le vocal me rappelle un peu le meilleur vocal de voyons, comment il s'appelle déjà? Chris Barnes, dans Six Feet Under, quand il queen pas comme un cochon qui se fait égorger, là. Ben, j'ai trouvé ça intéressant. C'est bien. Il y a un petit côté groove qui vient avec ça que je trouve intéressant. Donc, on a entendu la pièce Those Who Deserve My Wrath, et c'était précédé de Destined to Suffer, pardon, qui est tiré de l'album de Suffering, qui est paru le 26 août dernier. Et je vous incite, si vous êtes amateur du genre, à le découvrir, ça vaut la peine. Il est apparu également sur Unique Leader. Je vous propose une dernière découverte qui est parue il y a quand même un certain temps, soit en mars dernier, une formation qui vient du Vietnam et qui porte le nom de Voluptuary. Voluptuary, c'est une formation qui vient de Hanoï, qui existe depuis 2013, donc une jeune formation qui donne dans un groove death metal. Et c'est leur premier album complet studio qui s'appelle, là, vous me pardonnerez mon vietnamien, là, je pratique pas très souvent, Hoa Tan, je crois. En 2014, ils avaient sorti un mini-album EP qui portait le nom de Loan Hoi. Et encore là, je peux me tromper. J'ai trouvé ça intéressant, oui. Je peux pas dire que c'est le groupe qui fracasse toutes mes attentes, mais c'est un groupe qui vaudrait la peine qu'on aille faire une petite survol dessus. Donc, je vous propose à l'instant la pièce Bekish. Wallop Cherry, formation du Vietnam, de Hanoï. Leur premier album studio complet, Hoa Tan, si ça se prononce comme ça. Sorti de façon indépendante, on a entendu la pièce sur Bakich. Je disais effectivement que la formation Wallop Cherry donnait dans un groove death metal, mais par moments, ça frise quelque peu le djent. Et parlant de djent, eh bien, Meshuga sortira son 9e album studio. 9e album studio, oui, voilà. The Violent Sleep of Reason, ce 7 octobre prochain. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Pour certains, c'est un peu un retour en arrière de ce qu'ils ont fait earlier. Moi, personnellement, ça me dérange pas. J'aime à peu près tout ce qu'ils ont fait. Donc, j'ai vraiment hâte d'entendre The Violent Sleep of Reason de Meshuga le 7 octobre prochain. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je vous présenterai le nouvel album de Warfather, The Great Eminence, pardon, avec Steve Tucker et The Apex, une formation qui, formation canadienne, qui justement, ça rapproche un petit peu de ce que Meshuga peut faire. Et ce vendredi, je vous rappelle également que c'est Rock Classic dès 11h sur les ondes de Sifu, 11h à 17h pour les vrais amateurs de vrai rock. Le Rockmaster vous proposera son traditionnel 3 pour 1. Je vous incite aussi ce vendredi, Underground Québec, écoutez l'émission de notre ami DJ Tower of Death sur Subversion. Sorry, Tower. Et si vous voulez aller voir les chroniques de mon puant de gobelin, c'est-à-dire Sinistros, allez sur lemort.com. Je serai là la semaine prochaine, dès 19h pour une autre édition de réanimation. Je vais vous laisser avec un dernier bloc qui sera peut-être pas complet, mais dans lequel on va retrouver entre autres un instant information suédoise Sentinex. On va retrouver les Américains de Insight, les Polonais de Infernal War et qui sait, peut-être Aborted, c'est belge, et une pièce de leur dernier album paru le 22 avril, Retro Gore. Bref, d'ici là, je vous dis évidemment, allez tous vous faire foutre. See you. Perfect world, and I was gone. Took a time to consume it, directed. And you really believe that you can bring life to the dead? That body is not dead.